C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. C'est la Coupe Grey en fin de semaine, cette classique entre les Bombers de Winnipeg et également les Tiger Cats de Hamilton. Et Pascal Masson n'est pas là cette semaine parce qu'il y avait des engagements. Par contre, j'ai trouvé un bon frappeur de relève, Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal, pour parler de sa Coupe Grey. Salut Luc! Bonjour, bonjour! Luc, d'abord, avant de commencer à parler de la Coupe Grey, comment tu as trouvé ton expérience comme de passer de joueur à entraîneur? Ça a été une expérience enrichissante, une expérience qui m'a appris beaucoup sur, évidemment, la préparation en rapport à un match, les niveaux stratégiques, les interactions avec joueurs, les gestions d'effectifs. C'est un casse-tête hebdomadaire de voir des blessures sur à la fois sur les unités spéciales, à l'attaque et en défensive, et à quel point réussir à trouver les effectifs optimaux pour la rencontre, c'est un défi que vraiment là de façon hebdomadaire, où est-ce qu'on se demande, bon, tel gars va-t-il être disponible? S'il n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on fait? Ça change de statut de joueur canadien, américain, international maintenant. Donc c'est un méchant casse-tête et pour moi, ça a été une expérience totalement et uniquement positive. Le fait que tu as passé de joueur à entraîneur, t'étais coéquipier, maintenant t'es comme un peu un entraîneur. C'est-tu fait naturellement ou c'était un petit peu difficile là-dessus? Je pense que ça s'est super bien exécuté, bien effectué, dans le sens où est-ce que à titre de joueur, tu sais, j'ai tout le temps. C'est peut-être ma vision de moi-même, mais j'ai tout le temps été très demandant à mon égard, mais demandant aussi auprès de mes coéquipiers autour de moi. C'est sûr que quand tu es un collègue, un coéquipier, un collègue de travail, puis tu t'assures que tout le monde est sur la même ligne, puis tu t'en vas pour la rencontre, tout le monde est préparé de façon adéquate, puis on est prêt pour la rencontre. C'est une chose, mais de le faire en tant qu'entraîneur, on dirait que c'est plus... là où est-ce que j'ai eu à faire un ajustement puis à apprendre, c'est plus le lâcher prise en tant que tel. Que le leadership se crée ailleurs et que ce soit des joueurs comme Christian Matt qui prennent la relève, qui commencent à dicter le meeting, qui commencent à parler de ce qu'ils souhaiteraient, puis de m'assurer que je suis en bonne communication avec lui. Donc c'est plus là où est-ce qu'il y a des ajustements pour moi. Vraiment de dire bon ben regardez si parce qu'on avait un meeting optionnel à 8h30 du matin, donc s'il y en a qui se présentaient, ils se présentent, s'il y en a qui se présentaient pas, ils se présentaient pas. Mais quand moi j'étais joueur, je m'arrangeais que tout le monde soit là. Donc c'est un peu dans ces sphères-là où est-ce qu'il y a eu des ajustements à faire. Mais en tant que tel, les personnalités avec lesquelles j'évoluais étaient de très bonnes personnes, de bons joueurs et d'encore meilleures personnes. Ouais, effectivement. On va parler de Enoch Mouamba, avant de parler de la Coupe Grey, a été choisi hier joueur canadien de l'année. C'est un honneur très bien mérité. Ben oui, c'est un honneur mérité. Puis dans le cas de Enoch, c'est un cheminement. Écoute, c'est un jeune joueur qui avait été repêché en toute première ronde, je crois, le premier joueur total du repêchage par les Blue Bombers de Winnipeg dans le temps, qui a eu ses chances dans la NFL et qui est revenu par la suite dans la Ligue canadienne de football. Il avait signé un petit contrat, quelque chose de court terme, terminé une saison avec nous à Montréal. Par la suite, je crois qu'il était parti pour la Saskatchewan. Ça a toujours été, depuis son arrivée, un joueur à surveiller, un joueur qui était, à l'époque, inexpérimenté, mais qui avait déjà une maturité physique, des qualités athlétiques nécessaires pour devenir la crème de la crème, l'élite de notre ligue. Évidemment, son joueur de statut canadien, le trophée qu'il a remporté hier, pour moi, c'est pleinement mérité, mais je vous cacherai pas que je pense que dans les prochaines années, ce sera beaucoup plus le trophée de joueur défensif de l'année qui pourrait l'attendre. OK. Ben oui, parce que c'est un gars d'impact, là. C'est un joueur d'impact, puis il est encore très, très jeune. Luc, je veux te parler de la Coupe Grey, évidemment, c'est pour ça que je t'appelle. Ça va être une équipe, moi je pense que c'est la meilleure équipe dans les Canadiens de football, les Tiger Cats d'Hamilton actuellement, avec Dwayne Evans comme, qui est en feu. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui semble en mission. Cette semaine, j'ai parlé avec Shane Gauthier, qui est natif d'ici de Mistassini, puis qui joue pour les Bombers. Et c'est une unité spéciale, puis. Il me disait que vraiment que c'était une équipe qui, écoute, allait gagner deux matchs en territoire hostile comme Regina et Calgary. C'est pas facile, tu sais, comme moi, Luc. Je pense que c'est une équipe qu'il faut prendre à la, il faut pas prendre à la jeune du côté des Tiger Cats. Écoute, ma façon de regarder ces deux équipes-là, dans le cas des Tiger Cats d'Hamilton, ils ont une blessure importante en début de saison avec Jeremiah Masoli, qui était réputé comme étant probablement le meilleur carrière cette année. En début de saison, peut-être en compétition avec Mike Riley, qui est en Colombie-Britannique, mais on sait comment ça n'a pas bien été là-bas cette année. Mais Masoli est en pleine possession de ses moyens au niveau athlétique. Tout se passait bien, ses décisions, sa lecture, tout, la distribution du ballon. Et il y avait un bon jeu au sol pour supporter le tout. Lorsqu'il est tombé au combat, John Evans embarque sur le terrain. Et ce que j'ai vu stratégiquement sur les bandes vidéo tout au long de la saison, je voyais que le répertoire ou la profondeur de jeu qui était exploité ou exécuté durant la rencontre était très limitée. On est resté avec un football dans lequel on voulait créer de la confusion et qu'on mettait un peu Banks un peu partout sur le terrain, donc on forçait les défensives à avoir beaucoup d'attention sur ce joueur-là et on jouait autour de ça. On a transféré le centre d'attention non pas vers le carrière mais vers le receveur qui est capable de courir avec le ballon, qui peut être une présence aussi sur les unités spéciales en cas extrême, mais qui est un excellent receveur aussi en termes de pourcentage de complétion. Il attrape les ballons qui sont dirigés vers lui. Donc on est parvenu à orienter le livre de jeu envers les effectifs autres que le corps arrière. On a enlevé la pression de sur les épaules du jeune homme. Et ça a fait quoi? Ça a fait en sorte que tout au long de la saison, par la suite à la blessure de Masoli, on a continué à évoluer en tant qu'équipe. Et maintenant, on a un carrière qui est capable de distribuer le ballon beaucoup plus adéquatement que ce qu'il le faisait plus tôt dans la saison. Ouais. Du côté des Blue Bombers de Winnipeg, ce que je regarde, c'était une équipe qui avait énormément de difficultés à passer et à distribuer le ballon. Ouais. La seule chose qui leur manquait offensivement, c'était quelqu'un qui était capable de faire de décocher la petite passe rapide, la rapidité de décision et d'avoir été chercher Collaros via un échange avec Toronto, ça leur apporte ce qui leur manquait. Parce qu'il ne faut pas se tromper, lorsqu'on jouait contre Winnipeg, le centre primaire d'attention était stopper Andrew Harris. On doit arrêter le jeu au sol, on doit bloquer le jeu au sol, les forcer à être en deuxième essai long et on devrait avoir une bonne rencontre. Du côté défensif de Winnipeg, c'est une défensive qui joue énormément de couverture homme à homme. Ça a été leur pain et leur beurre cette année. Parfois, ça leur a fait défaut. On se souvient de notre match contre nous au Stade. Au Maison. Remonter les 24 points, je crois, du quatrième quart. 21 points au quatrième quart. Ouais. On a su remporter ce match-là à la maison. Et c'était principalement dû à la surexposition défensive à la couverture homme à homme. On va chercher les match-ups. Et là, si on parle de rencontrer les Tiger Cats d'Hamilton, j'ai bien hâte de voir qui va être homme à homme avec Brandon Banks. Oui. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là. Ça va être très, très intéressant. Est-ce que le froid pourrait être un facteur pour aider les Tiger Cats? Parce que, pas les Tiger Cats, mais les Bombers. Parce que normalement, quand il fait froid, on joue plus au sol puis ça aide plus Andrew Harris. Je crois que l'avantage serait principalement pour les Blue Bombers Winnipeg si vraiment le froid était un facteur prédominant. Ouais. Maintenant, les deux équipes ont passé la semaine entière à pratiquer dans ces installations-là. Donc, c'est pas le match conventionnel dans lequel l'équipe arrive la journée avant le match et ne possède que 24 heures pour s'acclimater aux différences atmosphériques. Ambiante par rapport à où est-ce qu'on est à la maison. Non, les deux équipes passent la semaine là-bas, vont pratiquer là-bas sur le terrain. Donc, les deux équipes devraient être adaptées et prêtes pour affronter ce froid. OK. Donc, tu y vas avec qui, toi? Avec quelle équipe, d'après toi, qui va gagner la Coupe Grey? Je vais dire que la logique devrait se respecter en les Tiger Cats d'Hamilton. Pourquoi? C'est une équipe plus complète sur les trois phases. Défensivement, c'est une équipe qui a su démontrer qu'il avait le potentiel, même tôt dans la saison, lorsqu'ils avaient affronté Matt Nichols, qui est un très bon carrière également. Il avait su trouver les moyens de stopper la production d'Harris, marquer rapidement des points et forcer les Blue Bombers à jouer du football de rattrapage. Donc, si la tendance se maintient, je crois que ce sera une victoire pour les Tiger Cats de Hamilton. Ben Luc, gros merci. On va s'en reparler un autre tantôt. C'est toujours intéressant de parler. Puis tu viens de me faire une bonne analyse. Tu viens de me faire la preuve encore une fois que tu serais bon dans les médias. Merci beaucoup. Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal.